appris, c'est que l'amour est véritable. Tu nous as appris, c'est que l'amour véritable. Aimer celui qui est indigne de notre amour.